the thunder. A woman of perplexity, a woman for eternity. Of the land, a woman for a man. I'm down on my knees, and I'm saying, my desire, a girl child of such loveliness, a woman of my emptiness. Voilà, c'était Sean Phillips sur RGM, 8h38, passé de quelques secondes. On parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 3 février 1943, naissance de Blythe Danner, actrice américaine, connue pour son rôle de Dina Burns dans Mon beau-père et moi, Mon beau-père, mes parents et moi et Mon beau-père et nous. C'est également l'année de naissance de Sean Phillips, chanteur-compositeur américain. 1947, naissance de Melanie Safka, chanteuse américaine. 1950, naissance de Morgan Fairchild, actrice américaine, connue pour son rôle de Nora Tyler Bing dans la série télé Friends. 1964, naissance de Corinne Maziero, actrice française vue dans L'Emmerdeur, la série télé Fais pas ci, fais pas ça, des saisons 4 à 8 dans le rôle de Solange. Et depuis 2015, elle est l'interprète du capitaine Marlowe dans la série télé du même nom, série à succès d'ailleurs. 1965, naissance de Maura Tierney, actrice américaine vue dans Menteur, menteur dans le rôle d'Audrey Reed, la série télé Urgence dans le rôle d'Abby Lockhart. 1970, naissance de Warwick Davis, acteur britannique qui a incarné plusieurs rôles dans la saga Star Wars. Il a interprété un Leprechaun dans Leprechaun 1, 2, 3, 4, 5, 6, connu pour son rôle du professeur Filius Flitwick dans la saga des Harry Potter, vu également dans Le Monde de Narnia, Le Prince Caspian. ou encore Maléfique 2, Le pouvoir du mal. 1971, naissance de Vincent Elbaz, acteur français vu dans Le péril jeune, Les randonneurs à Saint-Tropez dans le rôle de Mathieu Lacaze, La vérité si je mens 1 et 3 dans le rôle de Dov Mimran, Embrasser qui vous voudrez, Comme les cinq doigts de la main dans le rôle de David, L'assaut, Il a déjà tes yeux, Le jeu dans le rôle de Thomas ou encore la série télé Nos limites dans le rôle de Vincent Liberati. 1976, naissance d'Isla Fisher, actrice australienne vue dans Scooby-Doo, Serial Nosser dans le rôle de Gloria Cleary, en 2013 dans Gatsby le Magnifique dans le rôle de Myrtle Wilson, Insaisissable dans le rôle d'Henley Reeves ou encore la série télé Summer Bay dans le rôle de Shannon Reed. 1977, naissance de Daddy Yankee, chanteur portoricain notamment connu pour le titre Gasolina, dont on écoute tout de suite un extrait. Pour l'extrait de Daddy Yankee. Allez, on continue les anniversaires. 1983, naissance de Laurent Mestret, mannequin, danseur, sportif, animateur télé français, ayant participé à l'émission Koh-Lanta ou encore Danse avec les stars, saison 7, qu'il a d'ailleurs remporté. 1990, naissance de Sean Kingston, chanteur américain. Allez, un petit point sur les événements en région. On continue avec les sentiers de la photo. Ça fait plusieurs semaines maintenant que je vous en parle. Eh bien, deux de ces sentiers, je vous le rappelle, sont détournés à Remiremont sous les arcades, hein, rue Charles de Gaulle jusqu'au 9 février. Dépêchez-vous, 9 février, eh bien c'est dimanche. Hein. Une soirée au coin du feu, un espace convivial et intimiste, une pièce de théâtre tout public, drôle et vivante. Eh bien c'est ce que propose la Maison de la Bresse le vendredi 7 février à 20h30. La compagnie Le Plateau Ivre investit les lieux afin de vous faire passer une excellente soirée pour la modique somme de 7 euros. Le réseau parentalité de Remiremont et ses vallées dans le cadre de son comité technique famille met en place un café-spectacle à destination du grand public ce jeudi 6 février à 18h30 à la salle polyvalente de l'Eutoli. Il s'agit d'un spectacle criant de vérité sur les relations parents-enfants où l'on se retrouve rapidement concerné. Drôle parlant, ce spectacle sera suivi d'un échange et d'un moment de convivialité. Spectacle joué par la troupe de CTPS, les places sont limitées, la réservation est donc très fortement conseillé. Je vous rappelle les numéros de téléphone, le 03 29 62 12 86 ou le 03 29 62 59 19. Et on continue avec les événements en région et cette fois-ci c'est Chris qui nous en présente un. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM, c'est Chris et aujourd'hui pour le billet de sortie, je reçois par téléphone Nicolas, président de l'ASPA Vosges, pour le loto. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc pouvez-nous vous parler de ce loto organisé le 9 février prochain ? Donc c'est le deuxième loto qu'on fait, donc ça sera le 9 février à la salle des fêtes de Bugnéville à partir de 14h30, de 14h. D'accord. Et donc on a de nombreux lots, dont un voyage pour une semaine en Crète pour deux personnes, tout compris, d'une valeur de 850 euros. On a une télévision Thomson 139 cm, on a un robot de cuisine, on a vélo, Wonderbox, on a un nettoyeur haute pression, aspirateur, PS4, on a beaucoup de lots. Des soins au terme de Contrex Séville et plein d'autres lots. Voilà. D'accord. À noter que ce loto est en faveur des animaux. C'est-à-dire que c'est pour la, donc les bénéfices sont entièrement versés à l'association. C'est pour nous aider dans toutes les enquêtes qu'on fait contre les animaux maltraités, tous les travaux qu'on fait, la protection des moutons contre les attaques du loup, toutes nos activités, toutes les activités qu'on fait, quoi. Donc on a beaucoup d'activités, ça coûte de l'argent et c'est pour ça qu'on fait ce loto. Donc n'hésitez pas à venir, à prendre rendez-vous donc au 03 29 08 90 63. Pour réserver rapidement parce qu'il va y avoir du monde. Voilà. D'accord. Ce loto est ouvert à tous ? Il est ouvert à tout le monde. Oui, il est ouvert à tout le monde. C'est même pour les personnes handicapées. Il y a un accès aux personnes handicapées. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc tout le monde peut venir. La participation à ce loto, est-ce qu'elle est payante ? Elle n'est pas payante. Donc c'est le carton, c'est 3 euros le carton. Et puis après, il y a 15 euros les 6, 30 les 12, plus 1 gratuit, et ainsi de suite. Donc ça, on a toute une liste de cartons. Les gens achètent les cartons qu'ils veulent, comme dans tous les lotos, quoi. D'accord. Donc... Il y aura une partie enfant gratuite avec un très beau lot. D'accord. Donc on va rappeler les éléments essentiels. Donc ce loto en faveur des animaux organisé par l'ASPA, c'est le 9 février 2020 à la salle des fêtes de Bulgnéville. Voilà, c'est ça, le dimanche 9 février à partir de 14h. À 14h jusqu'à quelle heure à peu près ? 18h30, à peu près, 18h30, 19h. D'accord, donc c'est ouvert à tous, tout le monde peut venir participer, même les personnes à mobilité réduite. Voilà, oui, donc l'ouverture des portes elle est à 12h30. D'accord. Et puis pour réserver, c'est soit par téléphone au 03 29 08 90 63 ou par email à l'adresse suivante, c'est courrier@aspa-vauge.com. D'accord. Est-ce qu'il y a une capacité d'accueil maximale ? On a 400 personnes à peu près. On accueillera un peu plus de 400 personnes. Et puis donc il y aura aussi des boissons, des gâteaux en vente et tout ça. Donc il y aura possibilité. Donc c'est pour ça qu'il faut s'inscrire rapidement parce que c'est un loto qui est très prisé étant donné qu'il y a de très beaux lots. Mmh. Hein, et il y a de très beaux lots. Donc je répète, un voyage en Crète tout compris pour deux personnes. Voilà quoi. Donc il y a de très très jolis lots. Et les gens en plus pour les animaux sont très dévoués et s'inscrivent très rapidement. D'accord. Est-ce qu'il y a une date limite d'inscription ou pas ? Non, on prend jusqu'à la veille. Jusqu'au 8 février, on prend encore des inscriptions. Sauf si la salle est pleine et on ne peut plus mettre deux personnes. Bien sûr. D'accord. Voilà. Et ben, on va souhaiter à tout le monde et à vous, particulièrement, qui viennent nombreux. Je vous remercie beaucoup. Je remercie la radio Gemozo. Ben, merci à vous de nous avoir contactés pour en parler. Voilà. Donc voilà, nous espérons que ce petit enregistrement fera son effet et ameutera beaucoup de gens. C'est pour les animaux, c'est pour une bonne cause, donc il ne faut pas hésiter à venir. Oui, en plus. On vous remercie. Bah, merci à vous. Merci Chris. Allez, tout de suite, on va marquer une nouvelle pause musicale avec la chanteuse Mélanie et son titre « Look what they have done to my song, Ma ». Look what they done to my song, Ma. Look what they done to my song. Well, it's the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong, Ma. Look what they done to my song. Look what they done to my brain, Ma. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, Ma. Look what they done to my soul. I wish I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they've done to my soul. La la la la. La la la la la la la. soon. But maybe it'll all be alright, Mom. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, Ma. Look what they've done to my son. Ils ont changé ma chanson, Ma. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire et ce n'est pas bon, Ma. Ils ont changé ma chanson. Look what they done to my son, Ma. Look what they done to my son, Ma. Well, they tied it up in a plastic bag, turned it upside down, Ma. Look what they done to my son. Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire et ce n'est pas bon, Ma. Ils ont changé ma chanson. Look what they done to my son, Ma. La chanteuse Mélanie sur le 107 FM, 8h52, on parle météo. La météo. Bon, ce sera une journée pluvieuse, hein, on va pas se mentir. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés ce matin, entre 11 et 12 degrés pour cet après-midi. Pour les jours à venir, les températures vont nettement chuter. Du coup, demain, on aura de la pluie et de la neige attendue. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 4 et 5 degrés prévus pour mardi après-midi. Mercredi devrait marquer le retour de quelques éclaircies. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 4 et 5 degrés prévus pour mercredi. Après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Ah, j'aime le lundi matin puisqu'on a beaucoup d'actualités sportives à se dire et on commence tout de suite avec du hockey sur glace et les résultats de la D2. Épinal qui s'est largement imposé face à Valenciennes samedi à la patinoire de Poissompré, 14-2. Épinal est donc assuré de terminer premier de son groupe, mais pour terminer premier des deux poules confondues et ainsi s'assurer l'avantage de la glace jusqu'en finale, bon bien sûr faut y aller, eh bien il faudra s'imposer ce samedi dans la dernière rencontre qui sera de nouveau à suivre à la patinoire de Poissompré. L'ambiance promet. En basket, en Pro B, victoire de Nancy à Rouen 75-88. En National 1, défaite du Jet Vosges face à Pont-de-Chéruy 76-80. En football, en Ligue 1, Rennes s'est imposé 3-2 face à Nantes. Le PSG s'est imposé 5-0 face à Montpellier. Amiens et Toulouse ont fait match nul 0 partout. Reims s'est imposé 4-1 sur la pelouse d'Angers. Dijon s'est imposé 3-0 face à Brest. Nîmes s'est imposé 3-1 face à Monaco. Lille s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Strasbourg. Nice s'est imposé 2-1 face à Lyon. Metz s'est imposé à domicile face à Saint-Etienne 3-1. Et enfin Bordeaux et Marseille ont fait match nul hier soir 0 partout. En Ligue 2, match nul pour Nancy à Le Mans, 1-1. En National 2, Épinal s'est incliné 2-0 face à Bobigny. D'ailleurs, Épinal qui connaît la date de son quart de finale de Coupe de France. Hein, ce sera le 13 février, donc je vous le rappelle, face à Saint-Etienne. Et le match aura bel et bien lieu à Nancy. En National 3, le match entre Raon-l'Étape et Saint-Runion a été reporté. Et tant les Vosges s'est incliné à domicile face à l'équipe de Metz sur le score de 2-0. Un mot de tennis avec les résultats de l'Open d'Australie. La finale junior masculine était une finale 100% française. Elle a vu la victoire d'Harold Maillot. Et d'ailleurs, le français sera numéro 1 mondial à partir d'aujourd'hui. Côté féminin, la finale a opposé Kenin à Muguruza. Et c'est la toute jeune Kenin qui s'est imposée en 3-7. Et la finale, messieurs, a opposé Novak Djokovic à Dominic Thiem. Ils sont allés jusqu'au bout. Et c'est Novak Djokovic qui a remporté cette finale en 5-7. Il remporte ainsi son 8e titre à l'Open d'Australie. Et il sera numéro 1 mondial à partir d'aujourd'hui. Deux tournois cette semaine, dont celui de Montpellier. Aujourd'hui, on retrouvera Nicolas Mahut face à Ruusuvuori. Ben Chetrit affrontera Zumur. Barrère sera opposé à Sousa. Et Kwakwo affrontera Garcia Lopez. Un mot de rugby avec le tournoi des 6 nations. Hier, c'était le crunch entre la France et l'Angleterre. Victoire des Français 24-17. Un mot de cyclocross, c'était championnat du monde ce week-end. Et côté messieurs, c'est Mathieu Van Der Poel qui a été sacré champion du monde pour la 3e fois. À noter que Steve Chenel s'est classé 17e. Un mot de biathlon avec les championnats juniors. Et on va parler d'Emilien Claude et saluer sa performance hein, après l'événement tragique hein, qui a frappé sa famille il y a quelques semaines. Et bien Emilien Claude a tenu à participer au sprint et à la poursuite des championnats du junior où il termine d'ailleurs meilleur français sur le sprint ainsi que sur la poursuite avec une 12e place sur le sprint et une 18e place sur la poursuite. Et on termine avec du football américain. Cette nuit, c'était la finale du Super Bowl, l'événement que beaucoup de gens attendent, événement planétaire hein, qui est suivi par des milliards de téléspectateurs, que ce soit aux États-Unis, en France et partout ailleurs dans le monde. Bon, pour nous, c'était un peu compliqué, hein, fallait se réveiller en pleine nuit. La finale opposait les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco et c'est Kansas City qui s'est imposé 31-20. L'équipe remporte ainsi son 2e Super Bowl 50 ans après le premier. Et à noter que le fameux show de la mi-temps du Super Bowl cette année a été assuré par Shakira et Jennifer Lopez. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive d'aujourd'hui. On va marquer la dernière pause avec Sean Kingston et son titre Beautiful Girls. J.O. Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. Park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. They say we're too young to get ourselves sprung. Ooh, we didn't care, we made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very fine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You are figure declined, oh Lord. My baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these. When they say it's over, it was back movies all the time. Ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you are figure declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn, all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. Fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind, and I don't think it's clever. Think it's clever. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn, all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal, suicidal, suicidal. Sean Kingston sur RGM, il est presque 8h02, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 13h30, la rediffusion de la Cristoire du catch. 15h, Salut les 60 avec Gérard, consacré à l'année 1961. Et 20h, ce sera le calendrier des esclavages et des libérations avec François. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.